Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, une émission un peu spéciale, parce qu'au-delà du fait d'être enregistrée un peu plus tôt avant la diffusion, c'est une émission qui se découpera en quatre parties, émission best-of, que l'on va consacrer aux 3 premiers mois de diffusion, avec une vingtaine de groupes sélectionnés, où pêle-mêle s'enchaîneront internationaux et groupes français tout au long des 2 heures à venir. Donc là, c'est pour le mois de juillet. Puis pour le mois d'août, on aura tout simplement une sélection de la période d'avril à juin. On va présenter tout de suite la première partie. Alors, chaque tranche fait une petite demi-heure. À peu près, hein, les groupes sont par paquet de 5-6. Le but du jeu, c'est d'aller assez vite dans les présentations. Si vous voulez plus de détails, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre page Facebook. Vous aurez le lien vers notre blog pour consulter les playlists ou directement sur Blogspot, Hellbanger Radio Show. Pour réaccéder à toutes les infos. Parce que tout ça, c'est des groupes, pour rappel, qu'on vous a déjà diffusés. Go pour la présentation de la première rafale de groupe. On va s'enchaîner Asphyx, le groupe de Doomdeath hollandais qui a sorti un très très bon nouvel album cette année. Eight Forest, les vétérans polonais, toujours en Pologne. Crystal Viper, le très très bon revival de l'année 80. Tribulation, ce groupe qui mélange pop goth sans aller non plus vers un ghost, avec des ambiances horrifiques et un chant Black Death. Celestial Swarm, ensuite le groupe de Black Net Slam français, et Portrayal of Ghost, les très très bons Texans qui nous sortent un monstrueux nouvel album de hardcore black. Voilà pour les 6 premiers groupes, c'est parti, place à la musique. Unsurpassed units, look

Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Vous êtes toujours sur le créneau Hellbanger Radio Show. On est en plein best-of, une rétrospective des groupes qu'on a pu vous diffuser sur les trois premiers mois de cette année 2021. Une sélection que l'on a piochée parmi nos différents focus et autres spotlights. Voilà, c'est les groupes que nous avons trouvés les plus marquants de ce premier trimestre 2021. Pour rappel, au mois d'août, on s'enverra la sélection du printemps. Deuxième brochette, donc, nous avons un tout petit peu moins de groupes, mais les morceaux sont un peu plus longs. Carcol, tout d'abord, Wesenweil, ensuite, Eximperitus, DSKNT, pour clôturer cette deuxième partie. Qu'est-ce qu'on peut le dire rapidement sur tous ces groupes-là? Carcol, donc, formation française de Doom tendance épique, et on est sur un truc bien, bien, bien classe. Wesenweil, du black metal avant-gardiste venu des Pays-Bas, signé sur un label français Les Acteurs de l'Ombre, une approche assez moderne. Eximperitus, Technical Brutal Death qui nous venait du Bélarus. DSKNT pour clôturer cette seconde partie. Groupe de black death bien malsain et dissonant qui nous vient de Suisse. C'est parti pour le deuxième créneau, best of de Hellbanger.